Tchao! Ils n'ont même pas découvert tous ces secrets, mais ils ont déjà la bombe pour tout péter. Ils ne se sont pas gênés pour la polluer. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Ils n'ont même pas découvert tous ces secrets, mais ils ont déjà la bombe pour tout péter. Ils ne se sont pas gênés pour la polluer. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Mais de quel droit l'homme saccage-t-il la nature? Je trouve que ça c'est du massacre pur et dur. Attention, je dis que ça craint pour le futur. Pour l'humanité, ça va se prendre une claque dans la figure. Détruis la nature et un jour tu verras, toute l'humanité, elle engloutira. Et c'est Babylone en premier qui plaira. Pour tous les endroits qu'il a pu fracasser. Tcha! Ils n'ont même pas découvert tous ses secrets, mais ils ont déjà la bombe pour tout péter. Ils ne se sont pas gênés pour la polluer. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Ils n'ont même pas découvert tous ses secrets, mais ils ont déjà la bombe pour tout péter. Ils ne se sont pas gênés pour la polluer. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Peut-être un jour dans mon Zion, je squatterai dans la nature et de mes cultures je vivrai. Je boirai sans crainte l'eau dans la claire rivière et je pêcherai le poisson dans la mer aux Antilles ou sur les terres d'Africa. Et puis dis-moi la vraie vie, je la vois comme ça, avec des hectares et des hectares de sensei. Tel est mon rêve et je sais que je l'exaucerai. Ils n'ont même pas découvert tous ces secrets, mais ils ont déjà la bombe pour tout péter. Ils ne se sont pas gênés pour la polluer. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Ils n'ont même pas découvert tous ces secrets, mais ils ont déjà la bombe pour tout péter. Ils ne se sont pas gênés pour la polluer. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Retourne chez toi de sale nègre, on m'a déjà traité. Écoute bien ce que je répondais à ces starbés. Donne-moi les moyens et je me casse, vitesse grand V, de cet endroit d'arriéré qui pue le blé. La haine, la drogue, la mort et surtout les poulets. Le nucléaire, le béton, le chimique et la fumée. Avec toutes ces conneries, on sera vite irradié. Alors sur mon cocotier, je préfère cache remonter. Parce que ils n'ont même pas découvert tous ces secrets, mais ils ont déjà la bombe pour tout péter. Ils ne se sont pas gênés pour la polluer. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Ils n'ont même pas découvert tous ces secrets, mais ils ont déjà la bombe pour tout péter. Ils ne se sont pas gênés pour la polluer. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Pour la mère nature, l'homme n'a aucun respect. Aucun respect, man, la preuve. Tcha! Regarde autour de toi, tu verras tous les problèmes qu'il y a, toute la pollution qu'il y a. Le problème du temps à cause de la pollution, gars, ils n'ont même pas découvert tous ces secrets. Et ils ont déjà tout pour tout bousiller.